بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ مقبل رحمه الله: ما حكم الاهتزاز أثناء قراءة القرآن؟ Ils ont posé cette question à Cheikh Mouqbil rahimahullah, le fait de faire des mouvements quand on lit le Coran. Certains musulmans, quand ils lisent le Coran, ils bougent le torse et la tête, que ce soit des enfants ou des personnes âgées. Enfin, ils ont posé cette question à Cheikh Mouqbil: est-ce que c'est permis هذا? قال الذي ننصح به هو عدم الاهتزاز. Cheikh Mouqbil a conseillé de ne pas faire de mouvements quand on récite. ثم بعد ذلك هو يختلف الاهتزاز اهتزاز كثير هذا يعتبر الظاهر يصل إلى حد البدعة. أما faire des longs mouvements, خاصة si الإنسان pense que c'est bien, كما هو الشأن بعض الصوفية. Les صوفيين font هذا, ils font du ذكر ou lisent le Coran et ils font des mouvements, et pour eux c'est ça fait partie de l'adoration. هذا y a aucun doute que c'est une bid'a. قال والشيء يسير يتململ لحلاوة القرآن ما نستطيع أن نقول يصل إلى حد البدعة. أما si c'est un mouvement, c'est pas fait souvent et le mouvement il est léger. ففي هذا الحال الشيخ مقبل يقول on peut pas dire que c'est une bid'a. لكن الذي ننصح به هو عدم الاهتزاز. لكن العلماء ils conseillent de, منهم الشيخ مقبل, de ne pas faire de mouvement. قال والخشوع هو في القلب والله المستعان. صحيح أن le recueillement, la concentration c'est dans le cœur. Kedalik, la sincérité, on n'a pas besoin de faire ces mouvements. L'essentiel dans la lecture du Coran, c'est le mouvement de la langue. Si tu récites et tu fais ce mouvement avec ta langue, bi'idnillah azzawajal, tu es récompensé. Et kedalik, avec le mouvement de la langue, la concentration et le recueillement avec le cœur, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, en essayant de méditer et de comprendre l'essence des versets pour mettre en application. قال وتركنا الكلام على أنه تشبه باليهود لأنه لم يرد دليل في ذلك. بعض العلماء يقولون أنه c'est une ressemblance aux juifs. Cheikh Mouqbil رحمه الله dans cette fatwa قال أنه ترك, il a pas cité que c'est une ressemblance aux juifs. لماذا؟ لأنه il connaît pas de دليل على هذا. قال وما رأينا اليهود وهم يقرؤون ويهتزون. Et Cheikh Mouqbil il a informé أنه il a jamais vu des juifs lire et faire ces mouvements. ثم قال هل رأى منكم أي أحد اليهود يقرؤون ويهتزون يا إخوان. ثم Cheikh Mouqbil, et ça ça montre sa modestie رحمه الله, dans cette assise, il y en a, c'est un audio qui a été retranscrit. Dans cette assise, il a demandé à ses élèves, est-ce qu'un de vous, il a déjà vu des juifs réciter et faire ces mouvements? فقالوا, ils ont répondu, نعم. قال, إذن يكون تشبه. Quand ils l'ont informé qu'ils ont déjà vu des juifs réciter et faire ces mouvements, il a conclu, rahimahullah, نعم, أنه c'est une ressemblance aux juifs. Et هكذا, اللجنة الدائمة, les إفتاء, ils leur ont posé cette question. Et ils ont répondu, هذا التميل عند تلاوة القرآن هو من العادات التي يجب تركها. Ça fait partie des coutumes. Et ceux qui sont connus بهذا, c'est الصوفية, il y a certains innovateurs. Et كذلك, certains musulmans qui ne sont pas innovateurs, là, qui ils ont pris cette habitude. Donc, on doit faire des efforts pour délaisser هذا. قال لأنها تتنافى مع الأدب مع كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن quand on récite le Coran, on doit avoir un comportement. قال ولأن من المطلوب عند تلاوة القرآن وسماعه الإنصات وترك الحركات والعبث ليتفرغ القاري والمستمع لتدبر القرآن والخشوع لله عز وجل. نعم, parmi les bons comportements quand on récite le Coran, c'est d'être calme, d'être serein, d'essayer de se concentrer, كذلك pour ne pas gêner les autres. لأن ces mouvements, ça gêne. Ça gêne, maintenant انت, tu es à côté et tu veux réciter le Coran, فربما ça peut te gêner. قال أو قالوا وقد ذكر العلماء أن ذلك من عادة اليهود عند تلاوة كتابهم وقد نهينا عن التشبه بهم. نعم, فاللجنة دائما ils ont cité كذلك أن certains savants ils ont montré que c'était une ressemblance aux juifs. Et هذا c'est devenu معروف أن les juifs quand ils lisent certains de leurs livres, ils font ces mouvements. Que ça soit devant le mur des lamentations ou autre, akhzahumullah. Enfin, là, il y a juste qu'on fasse comme ha'oula. Lakin baqiyashay, il y en a celui qui a pris l'habitude. Au départ, c'est assez difficile. Limadal, il y en a, c'est devenu une habitude. Lakin, celui qui a pris cette habitude, qu'il fasse des efforts, petit à petit. Et ses frères, ils le conseillent. Hatta, il arrive à délaisser hada. Et kadalik nastavid, les enfants, dès le plus jeune âge, on leur montre, il n'y a pas besoin de cette haraka. Il y en a, les enfants, ils ont tendance à le faire. Ils ont tendance à le faire. Enfin, on leur montre l'imad, il y en a, si l'enfant, il grandit et il apprend le Coran de cette façon, quand il récitera, il aura cette habitude et c'est très difficile de l'enlever plus tard. Enfin, nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadad. Amma les références, enfin, Fatawa al-Lajna Da'ima, c'est le volume numéro 3. Amma, la parole de Cheikh Muqbil, rahimahullahu ta'ala, c'est tiré d'un audio, As-ilatu al-Madina, des questions de Médine, alayhim, rahmatullah, jami'an, ay, Cheikh Muqbil et les savants de l'Ifta. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.